Je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore, toutes mes années de déroute, toutes, je les donnerai toutes pour m'ancrer à ton port. La solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route, je la mettrai dehors pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute, l'amour existe. N'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en fout d'avoir raison ou tort. Le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous. Nous aimer plus fort, au-delà. Au-delà de la démence, malgré les bombes qui tombent aux quatre coins du monde. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore. L'amour existe encore.